psychiatre, que les médias et les réacs idolâtrent. Et puis entier, tu me fais chier. À la radio, à la TV, ta voix mielleuse, ça va m'imposer. N'a qu'un seul but de nous endoctriner. Et puis tu me fais chier. Avec une omniprésence à faire vomir, tu es comme tous ces débiles qui désirent laisser une trace de leur passage sur terre. C'est pas toi qui nettoie derrière. T'enlèves aux parents avec tes conseils, moralise tes plaisirs essentiels, plaisir pénible grâce auquel ils s'émerveillent. Et puis-je entier, tu me fais chier. Laisse-les donc tout seuls trouver comment se démerder avec bébé. Au feu tes bouquins, vive l'instinct. Edwige, tu te fais chier. Des générations de dégénérés, voici le monde que tu nous promets. Des gentils enfants, blonds, intelligents, mais surtout obéissants. Obéissant, Edwige, obéissant.